Difficile de caser de la lecture dans votre emploi du temps? Avec l'appli Audible, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Romans, polars, coaching ou jeunesse, écoutez-les sur votre smartphone. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible, le premier livre audio est offert. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une histoire de service secret d'infiltration et de manipulation. Après mai 68, un peu comme le chat est chaud des crins à l'eau froide, le pouvoir gaulliste surveille de très près les groupuscules d'extrême gauche. Et le pouvoir mobilise ses deux services de renseignement intérieur. D'un côté la DST, la direction de surveillance du territoire, l'aristocratie du renseignement chargée du contre-espionnage et de la lutte contre l'ingérence étrangère. De l'autre, les RG, les renseignements généraux, une sorte de police politique, les yeux et les oreilles du pouvoir sur tout le territoire, moins présentable dans une démocratie. Nous allons vous raconter deux histoires au cours desquelles les services secrets ont réussi à infiltrer des groupuscules d'extrême gauche grâce à un indicateur. Début 70, c'est la DST qui est à la manœuvre. La cible, la gauche prolétarienne. L'objectif, la pousser à commettre des violences, ce qu'on appelle la stratégie d'attention. Début 80, c'est au tour des RG de s'illustrer. La cible, action directe. L'objectif, les stopper dans leur dérive criminelle. Voilà, à travers ces deux récits qui se font écho, nous allons explorer les coulisses du monde forcément trouble, du renseignement où les méthodes s'affranchissent parfois de la loi, où la manipulation devient un art. Nos invités aujourd'hui, Nicolas Beau, ancien journaliste enquêteur au Canard Enchaîné, et Olivier Tosser, qui a occupé les mêmes fonctions, mais pour le Nouvel Obs. Ils sont les auteurs, tous les deux, de l'ouvrage intitulé « Dans l'œil des RG », publié aux éditions Robert Laffont. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Juin 68, les accords de Grenelle sont signés depuis quelques jours entre les syndicats et le gouvernement. Mais dans les usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, les 25 000 salariés poursuivent la grève. Le 10 juin, la reprise du travail est adoptée à une très courte majorité. Pourtant, un millier de grévistes refusent et continuent d'occuper les usines. Le 11 juin à l'aube, les CRS pénètrent dans les bâtiments avec un seul objectif, envahir l'usine et enchasser tous les grévistes. C'est le début d'affrontements d'une grande violence, à l'intérieur comme aux alentours de l'usine. Des ouvriers témoignent dans le film « Sochaux 11 juin 1968 » réalisé par le collectif Medvekin. Il y en avait dans tous les coins, et puis partout qu'on allait. On pouvait pas batailler dans un coin, bon, mais ça y était. Aussitôt qu'il y avait un petit groupe qui était submergé de CRS, il y en avait encore au moins peut-être bien 1000 qui arrivaient. Le Peugeot, s'il avait pu renvoyer encore un peu plus de CRS, il l'aurait fait. Lui, Peugeot, lui, c'était massacrer les ouvriers et puis à moi l'usine, quoi. Pour lui, l'ouvrier, c'est un esclave et puis c'est tout, hein. Faire une guerre comme ça, à coups de cailloux, contre de la police armée jusqu'aux dents, c'est, on va directement au massacre. Les grévistes sont déterminés, les CRS ne s'attendaient peut-être pas à une telle résistance. Alors, le pire arrive. L'un des policiers tire sur un ouvrier, il le tue. Un autre reçoit une grenade, tombe d'un mur et se fracasse le crâne dans sa chute. Bilan de cette journée d'affrontement, 2 morts et des dizaines de blessés. Et une semaine plus tard, le 19 juin, des milliers de personnes sont rassemblées pour rendre hommage à Pierre Bellot, 24 ans, et Henri Blacher, 49 ans. À Sochaux, la semaine a été lourde. Les obsèques du jeune ouvrier Jean Bellot, qu'une grande foule a suivi, ont rappelé la gravité des échauffourées qui ont eu lieu aux usines Peugeot après leur occupation par les forces de police. 2 morts, 67 blessés. Dans la métallurgie, la persistance des poches de grève s'est révélée dangereuse. Le secteur de l'automobile en particulier est demeuré sur le front social le point dur, le point névralgique. Le lendemain des obsèques, après plusieurs jours de fermeture, les ouvriers de Peugeot retournent au travail et la vie reprend son cours à Montbéliard. Car ici, tout tourne autour de la marque automobile. Peugeot embauche tout le monde, ou presque, et possède tout, ou presque, logement et chaîne de grands magasins. Mais cette révolte sanglante du 11 juin 1968 marque de nombreux groupuscules d'extrême gauche et, pour beaucoup de militants de cette mouvance, Sochaux sera le terrain naturel pour le début d'une révolte armée. Parmi ces organisations séduites par la pugnacité des ouvriers socialiens, il y a la gauche prolétarienne, la GP. Dans ce groupuscule d'extrême-gauche, on retrouve de nombreux jeunes issus de la bourgeoisie et des plus grandes écoles françaises. Leur chef, Benny Lévy, est normalien. Alain Gessmar, le porte-parole, est ingénieur des mines. Jean-Pierre Le Dantec, diplômé de Centrale, s'occupe de leur journal baptisé « La cause du peuple ». Autour de ce groupuscule gravitent des personnalités telles que Jean-Luc Godard, Michel Foucault, Philippe Solers, Marguerite Duras et Jean-Paul Sartre, qui explique l'objectif de la GP en 1970. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve. Et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement. Réunir le peuple et les intellectuels, vaste programme. Mais ce ne sont pas que des paroles en l'air. Que non, de nombreux jeunes militants et étudiants se font embaucher dans les usines pour travailler à la chaîne et se mêler au prolétariat. On les appelle les établis. La gauche prolétarienne conseille même à tous ces jeunes d'aller chez Peugeot à Sochaux. C'est la priorité numéro un. Il faut diffuser la bonne parole révolutionnaire et souffler sur les braises de la récolte du 11 juin 68. Mais ils font face à un nouveau ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, qui succède à Christian Fouché. Le général de Gaulle, alors président de la République, aurait déclaré, après la nomination de Marcellin, « Enfin Fouché, le vrai !» En référence à Joseph Fouché, le ministre de l'Intérieur très autoritaire de Napoléon Bonaparte, qui inventa un système de renseignement précurseur des RG. Le nouveau ministre est très vite baptisé Raymond Lamatraque, pour sa tendance à dépêcher des escadrons de CRS pour régler chaque problème. Il est le symbole d'un retour à l'ordre musclé après la chienlit de mai 68. Et selon lui, le plus gros problème pour la sécurité du pays, c'est le péril rouge, l'arrivée des chars soviétiques et la mise en place d'un gouvernement collectiviste et totalitaire. Pour faire face à cette menace, dont l'histoire a amplement prouvé qu'elle n'était que fantasme, Raymond Marcellin va s'appuyer sur les RG. Au programme, fichage des militants d'extrême-gauche, écoute téléphonique, infiltration. Et la gauche prolétarienne est bien sûr dans sa ligne de mire. En mai 70, Monsieur le ministre de l'Intérieur demande la dissolution de la GP lors du Conseil des ministres et il s'en explique sur France Inter. Il s'agit de militants qui se sont mis dans l'esprit de vouloir instaurer en France un régime chinois, le régime maoïste. Il est bien certain que ce serait dérisoire s'ils ne compensaient pas la pauvreté de leur pensée par l'utilisation de matraques, et de bords de fer et de pavés contre leurs adversaires politiques. Or, il n'est pas admissible qu'un parti politique, dans un régime de liberté comme le nôtre, puisse utiliser des moyens violents. Dans les usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, les maoïstes sont très vite repérés par les renseignements généraux. Le commissaire Guy Pierrat, DRG, décrit ainsi la situation. Les uns, les établis, se faisaient engager sur les chaînes et d'autres faisaient de la gîte propre en ville, sur les marchés. Évidemment, on avait tout ce petit monde à l'œil. Repérés, identifiés par les RG, les militants de la GP sont très vite placés sous haute surveillance, de façon constante, et on recrute des indics dans les ateliers. Mais ce n'est pas tout. Raymond Marcellin envoie sur place un deuxième service de renseignement, la DST. Chargé du contre-espionnage et de l'ingérence étrangère, ces hommes-là ou ces femmes sont plus secrets que les RG. Et ils n'hésitent pas à utiliser des méthodes plus que douteuses. En période de guerre froide, tout est permis. Le danger supposé du communisme en France a bon dos. En tout cas, l'objectif est simple. Infiltrer une taupe au sein de la GP. Alors, on charge un jeune agent de Montbéliard, Dominique Defendi, de recruter une source. Près de 50 ans plus tard, aux auteurs de l'ouvrage Dans l'œil des RG, il raconte comment il a ciblé sa source. J'avais bien compris que la GP voulait des ouvriers. Il recrutait des intellectuels, des étudiants, mais pas assez d'ouvriers. Et c'était un vrai souci, parce que pour eux, le mot prolétaire était important. Leur but était quand même que les travailleurs se soulèvent contre leur patron et lancent la révolution. Sans prolo, leur projet était totalement décalé. Donc, pour les appâter, il fallait que je leur trouve un salarié, quelqu'un qui ait participé aux événements sanglants de Sochaux en juin 68. Il y avait bien eu 2 morts parmi eux chez Peugeot, mais il y avait également une légende qui traînait et qui laissait penser que des CRS ou des gardes mobiles avaient été balancés dans les cuves d'acide par d'autres ouvriers. Certains dans les usines se vantaient même de l'avoir fait. Alors, il fallait que je trouve des types de ce genre-là. Légende ou réalité ? Toujours est-il qu'à Sochaux, le bruit court, depuis le 11 juin 1968, des ouvriers auraient tué des CRS et fait disparaître les corps. Dominique Defendi, l'agent de la DST, passe plusieurs mois à rencontrer des recrues potentielles, avant de tomber sur l'homme qu'il lui faut. C'est un ancien ouvrier de chez Peugeot, un certain Denis Mercier. Defendi le contacte en se faisant passer pour un journaliste qui s'intéresse aux événements violents de juin 68 qui ont lieu dans les usines Peugeot. Mercier avait été identifié comme l'un des leaders de la révolte et avait été licencié par le constructeur automobile. Alors qu'il est au chômage et qu'il vit dans un HLM, Mercier se voit proposer de l'argent en échange de son temps consacré à répondre aux questions du faux journaliste de la DST. Ah, l'argent. C'est le talon d'Achille de Denis Mercier. Et Dominique Defendi l'a bien compris. Alors, pour manipuler et contrôler une source, il faut souvent trouver son point faible. Très vite, les deux hommes se revoient fréquemment, en toute discrétion. Et un jour, Denis Mercier aperçoit une arme à la ceinture de l'agent de la DST. Dominique Defendi lui confie alors. « Écoute, voilà, c'est très simple. J'ai besoin de renseignements. Je vais même aller plus loin, je vais te payer bien plus maintenant. Je vais te donner une espèce de salaire, tu vois, tous les mois. Et puis tu vas bosser. » Et puis je vais te faire réembaucher chez Peugeot. Ta femme aussi va se faire embaucher. Et tu iras aux réunions de la GP, tu m'informeras sur ces gens-là. Dont acte. Oui, parce que Denis Mercier non seulement accepte, mais s'avère un addict très doué et très motivé. Il faut dire que la DST le paie grassement chaque mois, l'équivalent de 2000 à 3000 euros d'aujourd'hui. En plus, lui et sa femme ont été recrutés sans aucun problème chez Peugeot, comme promis et grâce aux relations de l'agent de la DST. Au fil des semaines, Denis Mercier s'intègre parfaitement au sein de la gauche prolétarienne. Il fait figure de révolutionnaire parfait pour tous les intellectuels et idéologues du groupuscule. C'est un prolo grande gueule, un peu sanguin, rétif à l'autorité. Bref, un modèle de chef de bande capable de mobiliser la base ouvrière pour des actions violentes. Encouragé par la DST, l'ouvrier espion participe à des sabotages sur des chaînes de production chez Peugeot. Cela lui permet d'obtenir une crédibilité et de grimper les échelons dans l'organisation. Un jour, Defendi est convoqué dans le bureau de son patron, à la DST. Il est en pleine conversation téléphonique, ce patron, et il lui passe l'écouteur. L'agent de la DST reconnaît alors la voix du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, mais ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. Alors son patron se retourne vers Defendi et lui dit « Alors, t'as compris ? Il faut que les Français votent du bon côté. Tu sais ce qu'il faut faire ?»« Non. Eh bien, s'il y a quelques attentats, ça va les inquiéter et ils vont voter à droite. » Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur, qui dénonce à la radio les violences perpétrées par la gauche prolétarienne, ordonne dans le même temps qu'un infiltré de la DST provoque un passage à l'acte dans le groupuscule. Utilisée pendant des années en Italie, cette méthode est appelée « stratégie de l'attention ». Autrement dit, on manipule les groupes extrémistes pour qu'ils commettent des actions violentes et on répond par des mesures autoritaires. Ici, dans ce cas précis, l'objectif est de faire gagner la droite au municipal de 71. Le 25 octobre 70, une action est prévue, chapeautée par la DST. Quatre militants de l'AGP, dont Denis Mercier, prévoient d'incendier un camion transportant des voitures neuves près des usines Peugeot. Mais l'action va capoter à cause des RG, l'autre service de renseignement français. Prévenu de l'action par la DST, le sous-préfet évoque ce possible attentat au commissaire des RG, Guy Pirat, qui lui s'empresse de monter une opération de police pour déjouer l'attaque. Autrement dit, l'attentat imaginé par la DST est déjoué par les RG. Ou comment deux services de renseignement français se tirent dans les pattes. En tout cas, la DST, c'est la panique, comme l'explique Defendi. Quand on a appris que Denis Mercier s'était fait serrer, il a fallu aller chez lui à toute vitesse, planquer tout ce qu'il avait dans sa cave avant la perquisition. Qu'avait-il gardé de nos échanges? Il ne fallait sous aucun prétexte que l'on puisse remonter jusqu'à nous. Cela aurait provoqué une véritable crise politique. Autre problème, Denis Mercier était en prison. Il fallait essayer de l'en sortir parce qu'on avait peur qu'il raconte tout à la justice. Denis Mercier est finalement condamné par la justice et purge sa peine, ce qui prouve aussi que sa couverture d'indicateur a tenu bon. Il est alors promu à Paris auprès de la direction de la gauche prolétarienne. Et la DST a réussi son coup. Elle dispose désormais d'une taupe au cœur de l'organisation gauchiste. Mais voilà, peu à peu, on perd le contrôle de cet agent double. Il commence à mentir à la fois à la DST et à la GP pour finalement abandonner totalement la lutte. Il meurt en 1973 dans un accident de la route au volant d'une voiture achetée avec l'argent de la DST. La même année, la gauche prolétarienne s'autodissout et, contrairement aux brigades rouges italiennes ou la fraction armée rouge allemande, elle ne bascule pas dans la violence armée. Mais ce n'est que partie remise. Au début des années 80, sévit le groupuscule Action Directe. Attentats, meurtres, la France a aussi connu ses années de plomb, même si la comparaison avec l'Italie, bien plus secouée par le phénomène, s'arrête là. Et cette fois, ce sont les RG qui seront à la manœuvre. Ils vont mettre en place un stratagème très audacieux pour arrêter les leaders du groupe. Toujours à l'aide d'un indicateur, car en matière de renseignement, on ne peut presque rien faire sans une taupe. Sont des grenades dans ce monde cruel et crétin. Ma guitare est en embuscade contre toutes les barbaries, contre les silences assassins, le conformisme des nantis et l'ignorance des gens de rien. Car si jamais une chanson n'a fait tomber un dictateur, si la tyrannie, l'oppression vivent toujours de belles heures, je sais que j'écrirai toujours comme un acte de résistance, outre quelques chansons d'amour, à l'encre noire de la violence. C'est pas donné aux animaux, c'est la mission des paladins, de combattre avec des mots, de faire des couplets, des coups de poing. J'ai retrouvé mon flingue, il était dans mes rimes. Attention, je déglingue, je les gomme, je décime. Au premier rang de mes colères, l'Amérique du grand capital, George Bush et ses chiens de guerre, ils ont putain d'ordre moral. Son modèle de société, mi-décadente, mi-puritaine, sa peine de mort légalisée par des cours que l'on dit suprêmes. Sa sculpture qui voudrait bien imposer à la terre entière Coca, McDo, rappeur crétin, Disneyland et Schwarzenegger. Au lieu plus fort, loi de la jungle, consommation et pollution, à chaque citoyen son flingue, amour du drapeau à la con. Je rêve que vivent un jour dans ce pays dégénéré des centaines de Michael Moore, des Luther King par milliers. J'ai retrouvé mon flingue, il était dans mes rimes. Attention, je déglingue, je les gomme, j'extermine. Autre fléau, autre danger, ces putains d'églises à la con, les évangélistes timbrés, rabbins, ayatollahs, turtons. Combien de guerres, combien d'horreurs ces imbéciles ont engendré par leurs discours de malheur sur des masses de demeurés. Tout cela considère la femme comme une pute ou une sainte, promettre la tension de l'âme à qui ne vit pas dans la crainte. Trouverai-je jamais les mots pour dire mon mépris profond de tous les dieux, de tous leurs dévots et de toutes les religions. La mienne se résume en fait à l'amour et à l'amitié, à l'amour de cette planète où vit l'homme et sa fiancée. J'ai retrouvé mon flingue, il était dans mes rimes. Attention, je déglingue, je dégomme, j'élimine. Les enfants qui meurent sans bruit, quand des milliards sont dépensés pour surarmer tous les pays. On mise sur le nucléaire, on surconsomme, on surproduit. Lorsque la moitié de la terre crève de faim, de maladie. La charité a remplacé la justice, et c'est l'abbé Pierre qui doit chaque jour s'y coller pour que nos consciences soient claires. Pour faire du spectacle avec ça, il y a toujours un projecteur et toujours une caméra, comme un vautour sur le malheur. Avec l'horreur ils font du fric, et avec la mort de l'audience, notre époque est télémérique, l'info remplace la connaissance. J'ai retrouvé mon flingue, il était dans mes rimes. Attention, je déglingue, je dégomme, j'assassine. S'attaquer au moulin à vent de l'injustice, de la misère, comme je le fais de temps en temps dans mes petites chansons colères. Ça relève de l'utopie, mais y a-t-il autre chose à faire? Poser des bombes, prendre un fusil, ou suivre le troupeau pépère qui imagine changer l'histoire en votant pour quelques gangsters, en déléguant tous les pouvoirs à des politiciens pervers. Bien un jour, ce monde impossible où les enfants seront bénis, où une femme ne sera la cible de la violence ou du mépris, où les hommes vivront d'amour, comme l'ont dit d'autres que moi, où plus personne ne sera sourd aux cris de détresse ou d'effroi. J'ai retrouvé mon flingue, il était dans mes rimes. Attention, je déglingue, je les gomme, je décime. Je les gomme, j'extermine. Je les gomme, j'élimine. Je les gomme, j'assassine. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. 1er mai 1979. À la fin du traditionnel défilé de la fête du travail, des heurts éclatent entre manifestants et CRS, place de la République, à Paris. Au même moment, vers 18h, une voiture de couleur sombre s'arrête à hauteur du numéro 31 de l'avenue Pierre Ier de Serbie. Cette adresse, c'est le siège du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, l'organisation syndicale des patrons. L'individu baisse la vitre du véhicule, sort une arme automatique et mitraille la façade. Ce sont les premiers coups de feu du groupuscule Action Directe. Ils ne feront pas de victimes, mais ils marquent le début de la traque menée par les renseignements généraux. C'est la brigade opérationnelle centrale qui est chargée d'enquête. À sa tête, un nouveau commissaire, Jean-Pierre Pochon. La trentaine, plutôt sportif et fan de foot, il attire rapidement la sympathie de ses collègues du service. D'ailleurs, il adopte leur style jean et blouson. Pour mener à bien sa mission, des moyens importants lui sont alloués. Augmentation des lignes téléphoniques d'écoute, parc automobile diversifié, moyens financiers plus importants pour louer des appartements, par exemple, qui feront office de planque. Jean-Pierre Pochon et son équipe identifient assez rapidement l'un des fondateurs d'Action Directe, André Olivier. Le travail d'espionnage classique commence. Première étape, le localiser. Après des jours d'enquête, c'est chose faite. Olivier habite rue Jonquois, dans le 14e arrondissement de Paris. Deuxième étape, le surveiller. Les membres des RG louent alors un appartement en face de chez lui et l'observent jour et nuit. Mais André Olivier est tellement prudent qu'il échappe à toutes les filatures une fois sorti de chez lui. Sur les photos, les policiers remarquent qu'il a rencontré un homme deux fois. Bon, c'est leur seule piste. Mais ils identifient cet individu qui vit très modestement, distribuant des prospectus réalisant des travaux de bricolage. Jean-Pierre Pochon, qui a recruté deux femmes dans son service jusqu'alors purement masculin, donne des instructions à l'une d'entre elles. Vous appelez ce garçon. Vous lui dites que vous habitez en banlieue, que vous avez vu qu'il faisait du bricolage et que vous voudriez qu'il vienne faire des travaux chez vous. Voilà, le piège est tendu et il fonctionne. Hergé interpelle l'homme. Il n'est que le chauffeur occasionnel d'Action Directe d'ailleurs. Il les mène à l'appartement où il dit avoir déjà rencontré Jean-Marc Rouillant et Nathalie Médigon, deux autres membres du groupe. Jean-Pierre Pochon remonte jour après jour la piste et obtient une nouvelle source d'information, en l'occurrence une jeune fille proche de la mouvance ultra-gauche qu'il a approchée et qui accepte de lui transmettre des informations. Mais le 18 mars 1980, tout s'accélère. Action Directe frappe une nouvelle fois et fait la une du JT de France Inter. Le ministre de la Coopération, Robert Gallet, l'a échappé belle. Cet après-midi, vers 15h45, il s'est absenté quelques instants de son bureau. À ce moment précis, un commando en voiture a tiré plusieurs rafales de mitraillettes sur la façade du ministère, rue Monsieur, dans le 7e arrondissement de Paris. Une dizaine de balles se sont logées dans le bureau du ministre, qui se trouve au rez-de-chaussée. Une rafale a également touché le service de presse, où le personnel a dû se jeter à plat ventre pour échapper au mitraillage. C'est un miracle s'il n'y a pas eu de victime. L'attentat a été revendiqué par un groupe baptisé Action Directe. Sur place, les terroristes ont lancé des tracts accusant la France de mener une politique colonialiste en Afrique noire. D'après des témoins, la voiture du commando, une Mercedes, était conduite par une femme. Le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, décide de passer à l'action, coûte que coûte. Il appelle le directeur central des RG pour lancer une vague d'arrestation de tous les militants identifiés Action Directe. Le directeur central des RG appelle alors Jean-Pierre Pochon. Monsieur le commissaire, qu'est-ce que vous avez ? On a un bon dossier, mais on n'a pas tout. Il faudrait continuer notre enquête. Oui, Jean-Pierre Pochon, on est persuadé, un peu plus de temps pourrait permettre d'identifier et de localiser tous les membres du groupuscule. Mais c'est impossible. Le ministre de l'Intérieur veut des résultats, et vite. L'opération est donc fixée au 28 mars, 10 jours après l'attentat contre le ministère de la Coopération. Les policiers et DRG participent à la vague d'arrestations et de perquisitions aux côtés de la brigade criminelle. L'opération est globalement une réussite, comme l'explique Jean-Pierre Pochon. On perquisitionne une quinzaine d'appartements et on arrête une vingtaine d'individus. On découvre dans un logement 300 kilos d'explosifs, ainsi qu'une terroriste italienne de prima linea. On est très content, c'est une super opération. Sauf que les leaders d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, ne sont pas là. Et c'est ennuyeux parce que cette opération risque de les conduire à renforcer leurs mesures de sécurité. Ce qui n'a pas manqué d'ailleurs. Le nouvel objectif de Jean-Pierre Pochon est clair. Il faut mettre la main sur Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon. Mais comment les retrouver ? Ils se savent traquer. Ils ne remettront plus les pieds dans leurs anciennes planques identifiées, c'est clair. Alors l'espoir des policiers repose sur un homme, Gabriel Chahine. Ancien combattant révolutionnaire pro-palestinien, il raconte qu'il boite à cause d'une blessure de combat. Il aurait reçu une rafale de pistolet mitrailleur dans le bassin. Après avoir vécu à Toulouse, Gabriel Chahine s'est installé à Paris en 1978. Il se dit peintre, sculpteur, cinéaste. Il vit dans un magnifique appartement avec verrière et mezzanine, rue des Pruniers, dans le 20e arrondissement de Paris. Très vite, son domicile devient un lieu où transitent de nombreux militants de l'ultra-gauche. Voilà pour le portrait de Gabriel Chahine. Mais en quoi cet homme peut-il aider le service de renseignement ? Eh bien, il se trouve qu'il a été recruté comme indicateur par les RG de Toulouse avant d'être pris en charge par la cellule manipulation de la direction centrale à Paris. Et puis, il a fait ses preuves en donnant plusieurs tuyaux qui se sont avérés très utiles. De plus, sa couverture tient toujours. Pour le commissaire Jean-Pierre Pochon, Gabriel Chahine est un atout majeur pour traquer les membres d'Action Directe. On avait aussi étudié la psychologie de ses membres. Il ne manquait pas d'ego. Quand on se lance dans le terrorisme, ce n'est pas pour faire l'objet d'articles dans la rubrique des chiens écrasés. On veut être à la une de l'actualité. On veut frapper l'opinion. Et donc, j'ai pensé qu'ils aimeraient bien acquérir la notoriété de groupes comme les Brigades Rouges ou la Bande Abadère. Eh bien, on va leur donner l'occasion de jouer dans la cour des grands. J'ai alors mis en place un scénario avec mon équipe, complètement dingue. J'ai demandé à Gabriel, qui avait un contact avec eux plus ou moins diffus, de les rencontrer et de leur dire que les gens de Carlos seraient de passage en France et qu'ils souhaiteraient rencontrer les gens d'Action Directe dont ils avaient entendu parler. À l'époque, Carlos est une grande figure du terrorisme international. Alors lundi, Gabriel Chahin se débrouille pour faire passer le message aux membres d'Action Directe. Carlos veut vous rencontrer. Quel honneur ! Un rendez-vous est donc organisé dans une villa près de Deauville. Avec la participation très active de Gabriel Chahin, les RG élaborent alors un scénario digne d'un film. Dans cette villa, un policier joue le rôle d'un attaché d'ambassade d'un pays du Moyen-Orient qui travaille avec le terroriste Carlos. On a pris le soin de préparer une voiture diplomatique et tout un stock d'armes pour impressionner l'émissaire d'Action Directe. En l'occurrence, une jeune femme blonde, inconnue des RG. Gabriel Chahin et le faux attaché d'ambassade exposent le projet à leur interlocutrice. Carlos propose une alliance entre son groupe et celui d'Action Directe. La jeune fille repart et les RG la prennent en filature, mais sans succès. Cette piste est mise de côté, mais Gabriel Chahin revient à la charge. Et il dit, ils sont d'accord, ils veulent rencontrer Carlos. Bien, les RG élaborent alors la deuxième partie du scénario. Ils cherchent un quartier calme dans Paris et trouvent un lieu rue Pergolèse dans le 16e arrondissement. Dans un immeuble bourgeois, ils repèrent sur les boîtes aux lettres le nom d'un japonais. Jean-Pierre Pochon a alors une idée, faire passer cet appartement pour celui d'un terroriste japonais, membre du Nihon Sekikun, l'armée rouge japonaise. Le point de rendez-vous est fixé, la date aussi. Ce sera le samedi 13 septembre 80. Gabriel Chahin transmet les instructions à Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon. Ils n'auront qu'à suivre une voiture diplomatique qui s'arrêtera devant un immeuble. Ensuite, il suffira de monter au 4e étage, sonner à la porte d'un résident japonais et un proche de Carlos sera là pour les accueillir. L'opération audacieuse fait la une du JT de France Inter. Bonsoir. Jean-Marc Rouillant, responsable national du groupe gauchiste Action Directe, et sa compagne ont été appréhendés en fin d'après-midi en plein Paris, rue Pergolèse, dans le 16e, à l'issue d'une brève fusillade. Le couple s'est aperçu qu'il était filé par des policiers en civil et a ouvert le feu. Les premiers détails sur la fusillade recueillis sur place peu après par notre reporter Sylvain Augier auprès d'un témoin, un photographe de presse qui se trouvait là pour toute autre chose. Nous étions en train d'attendre Karine de Monaco et nous avons vu une fille courir dans la rue, retourner en train de tirer sur des policiers. Enfin, nous ne savions pas que c'était des policiers, nous l'en su par la suite. Assez affolé, qui tire un peu partout, sur tout ce qui bougeait, et les policiers qui tirent à la mitraillette dans la rue. Les balles rentraient dans les voitures, les traversaient. Ils ont réussi à la rattraper, à la maîtriser, et la fille a crié « Action Directe n'est pas mort ». L'opération qui a permis l'arrestation des deux terroristes les plus recherchés de France se double tout de même d'une bavure policière. Que raconte Jean-Pierre Pochon ? En effet, quand on a interpellé Nathalie Ménigon, qui tirait sur nous, a rappliqué derrière nous une Porsche qui a cassé le dispositif. Tout le monde se tirait dessus. La Porsche, quand elle a vu ça, a commencé à reculer. Et une Porsche qui recule, ça va vite. Nous, on a cru que c'était une voiture de protection. Donc on l'a allumée. La voiture s'est scratchée contre un trottoir. Et on a sorti manu militari deux personnes qui n'étaient pour rien dans l'affaire. Mais bon, ça s'est arrangé. J'imagine qu'on leur a payé un peu de chirurgie esthétique. C'était l'époque. Après l'élection de François Mitterrand en 1981, une loi d'amnistie est votée. Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon sont libérés. Quelques mois après, l'indicateur Gabriel Chahin est assassiné à son domicile. Il se trouve qu'un agent des RG a parlé et les membres d'Action Directe ont découvert que ce type était une balance. Mais tout comme Denis Mercier, il est mort dans l'anonymat. Enfin presque, puisqu'on le cite ici. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, l'éthiopien, salut à toi, le tchadien, salut à vous les partisans. salut à toi Choli Allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux Ch'ti, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Méchambiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut Béka du contingent, salut à toi le Chotopan, salut à toi peuple Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslav, salut à toi le Voyouslav, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Trésor, salut à toi la Bastirie, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Jamaouas, salut à toutes les Vertigones, salut aussi à Yuri Brynner, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, émission consacrée aujourd'hui à nos services de renseignement avec deux journalistes pour le prix d'un livre qu'ils ont écrit ensemble. Nicolas Beau, bonjour. Bonjour. Ancien journaliste au Canard Enchaîné, vous avez fait une longue carrière, et à vos côtés, Olivier Tosserre, bonjour. Bonjour. Vous avez fait une carrière comme journaliste à l'Obs, vous êtes désormais auteur de livres et de documentaires. Alors, tous les deux, vous avez donc écrit ce livre Dans l'œil des Hergé, publié chez Robert Laffont. Vous parlez des deux histoires, vous évoquez les deux histoires que nous avons évoquées à notre tour. Alors, les Hergé, l'ADST, on a vu la différence. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est le renseignement en milieu ouvert et le renseignement en milieu fermé? C'est une notion importante qui veut répondre. Olivier Tosserre? Alors, le renseignement en milieu ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agent de renseignement, le Hergé en l'occurrence, parce que c'est comme la grande spécialité des renseignements généraux, agit à visage découvert. C'est-à-dire qu'il interroge des gens en disant je suis, en disant, je suis des renseignements généraux. D'accord. C'est ce qu'on appelle le renseignement ouvert. Ouais. Et donc c'est du renseignement de proximité. Voilà. Le renseignement fermé, là c'est plutôt, c'était l'apanage de la DST. Et c'est maintenant la façon dont on travaille évidemment les services antiterroristes les plus importants d'aujourd'hui, comme la DGSI. C'est des gens qui travaillent à visage masqué, qui écoutent les conversations téléphoniques, qui interceptent les mails, qui s'infiltrent sous une fausse identité. Alors, il y a eu la création, venez de le dire, de la DCRI transformée en DGSI. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est plus opérationnel? Nicolas Beau, vous voulez répondre éventuellement? L'idée de Nicolas Sarkozy, quand il a été élu président de la République, c'était vraiment de se débarrasser des RG. Parce que. Pourquoi? Parce que les RG avaient enquêté sur lui. Voilà. Et sur sa première et deuxième épouse, Cécilia. Et donc, il les avait en horreur. Bon, mm-hmm. Donc, il y avait d'abord cette première réaction instinctive. Je ne veux plus en entendre parler. Alors après, ça se doublait d'arguments plus rationnels, à savoir que il y avait donc deux services qui étaient confrontés au nouveau fléau qui était le terrorisme islamiste. Et donc, bon, il semblait peut-être plus cohérent que les deux services soient fusionnés en un seul et travaillent en bonne entente, comme vous avez rappelé des moments où ils se tirent dans les pattes. Alors ça, c'était contre les gauchistes. Ou quoi. Mm-hmm. Mais voilà, c'était cette idée-là. Encore que c'est toujours la maquetterie administrative est compliquée, et donc les RG ont quand même laissé survivre au sein de la préfecture de police un service, la direction du renseignement de la préfecture de police, la DRPP, qui est censé s'occuper de lutte antiterroriste, et on a vu avec quelle efficacité, puisque c'est au sein de ce service que il y a quelques semaines le drame s'est produit où ce fonctionnaire a égorgé 4 de ses collègues. En quatrième de couverture, vous mettez une citation en exergue, celle du juge d'instruction Éric Alphen, notamment en charge des affaires Chirac. Je lis « Théoriquement, les renseignements généraux, les RG, travaillent pour l'État. Or, ils ont collaboré, non pas pour l'État, mais pour le pouvoir en place. Les RG étaient là uniquement pour renseigner les amis du sommet du pouvoir. C'est extrêmement inquiétant, poursuit le juge, parce qu'on arrive à dresser un parallèle avec la police politique des pays de l'Est, durant la guerre froide, par exemple. Ça pose des problèmes évidents sur la façon dont la démocratie opère ou pas en France, dit-il. En est-on vraiment là ?» Olivier Tosser. À un moment donné, on en a été là, effectivement, lorsque le juge Alphen prononce cette phrase, il le fait de façon extrêmement consciente, puisqu'il a été victime, il les a vus travailler, les renseignements généraux. C'était à l'époque de la France sous la présidence de Jacques Chirac, où les renseignements généraux, parce que le patron des renseignements généraux était un très proche de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac, avait mis pratiquement la totalité du service des renseignements généraux au service du président Chirac contre ses ennemis politiques, contre Lionel Jospin, par exemple. Mais ce qui est un dévoiement de la fonction d'un service comme celui-là, qu'il est au service de l'État. Mais avec une certaine efficacité, parce que par exemple, dans la campagne électorale de 2002, c'est le chef des renseignements généraux de l'époque, qui s'appelait Yves Bertrand, qui a distillé, semaine après semaine, les informations autour du passé lambertiste de Lionel Jospin, ce qui a quand même nuit en partie à la candidature de Lionel Jospin. Alors, il distillait aussi des rumeurs, des espèces de fake news de l'époque, cette espèce d'inventeur des fake news, ce Yves Bertrand, et il distillait par exemple la rumeur que Lionel Jospin aurait acheté dans des conditions troubles sa maison à l'île de Ré. Bon, en fait, c'est parce que il était le bon ami de la notaire qui localement avait vaguement superficié la vente en question. Et donc là, ça fait pchit et ça n'a rien donné. Mais quand même, il a fait preuve pour le pire d'une certaine efficacité. Bien, puisque vous parlez d'Yves Bertrand, on connaît ces fameux carnets, 23 carnets qui consignent de mai 1998 à mai 2003 les petits secrets de la République, les ragots, les habitudes sexuelles et des éléments pas très recommandables attribués à tel ou tel ministre. En octobre 2008, Yves Bertrand accorde une interview aux journalistes de France 3 à propos de ces carnets de travail qui ont été saisis par la justice et publiés dans des hebdomadaires. Écoutons Yves Bertrand. Je suis une victime parce que j'ai fait mon travail, parce que d'abord on dérobe mes documents au tribunal et ensuite on les exploite, et c'est pas moi qui fais ça. Yves Bertrand a souvent été présenté comme l'homme de l'ombre du pouvoir chiracien, chargé de renseigner le président ou son secrétaire général de l'époque, Dominique de Villepin, sur leurs opposants politiques ou leurs rivaux au sein même de la majorité. Un cabinet noir qui aurait eu une cible privilégiée, l'ambitieux ministre de l'Intérieur d'alors, Nicolas Sarkozy. Il n'y a jamais eu de cabinet noir à l'Élysée, sous Jacques Chirac. Jamais. Et je crois que les amalgames sont d'autant plus faciles qu'en d'autres temps, et nous l'avons vu à l'époque des écoutes de l'Élysée sous François Mitterrand, il y a pu avoir des pratiques condamnables. C'était des carnets de brouillons personnels. Je recueillais tout ce qui se disait. une rumeur ou un ragot, ça peut avoir une signification politique. Il était de mon devoir de prévenir et d'informer. S'il y avait, on parle de Nicolas Sarkozy et ses problèmes de couple, il peut y avoir des gens qui cherchent à le déstabiliser à partir de là. Nicolas Beau ou Olivier Tosser, y a-t-il des cabinets noirs dans notre République française ? Ah bah à ce moment-là, il y en avait un très très clairement autour de Jacques Chirac, qui dont il faut rappeler qu'il était cerné par les affaires judiciaires, parce qu'il était cité dans beaucoup d'affaires. Donc il y avait un petit groupe d'avocats et d'hommes de renseignement autour de lui, en tout cas à l'Élysée. Et le but du jeu, c'était de neutraliser les juges qui cherchaient des noises au président Chirac, et de neutraliser également les opposants de Jacques Chirac qui voulaient se faire réélire. Là je parle du premier mandat de Jacques Chirac. Donc c'est ce qu'on a appelé le cabinet noir, même si Dominique de Villepin... Oui, moi je l'ai vécu, parce que en 2002, avant la réélection de Chirac, je travaillais sur un livre sur Charles Pasqua. Bon. Mm-hmm. Donc Charles Pasqua, pour Chirac, il a tout de suite compris que Charles Pasqua a dû faire perdre des voix au premier tour. C'est qu'on a pas eu on a beaucoup parlé de l'immense popularité de Jacques Chirac, mais en 2002, il a eu 17% ou 18% des voix au premier tour. Et si Pasqua s'était présenté, c'était foutu pour lui. Mm-hmm. Et donc, par exemple, pendant cette enquête, j'allais voir Yves Bertrand, qui de façon extrêmement généreuse me fournissait tous les fiches qu'on appelle les blancs, c'est-à-dire les notes blanches, les fameuses fiches de Thomas Gérard, non identifiées, rien n'est indiqué, absolument rien n'est indiqué, pas de nom, pas d'origine, bon, et il me donnait toutes les fiches sur les Pascoyens, sur les propriétaires de casinos, sur les Corses qui entouraient Pasqua, et je dois reconnaître qu'il m'a beaucoup aidé dans mon enquête. Là, c'était pas des fake news, c'était des enquêtes assez bien faites sur la base des dossiers judiciaires et autres. Bon. Et donc là, il joue un rôle absolument politique. Alors, cabinet noir, on imagine, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Cabinet noir, ça peut commanditer des assassinats et tout ça, ça n'a pas été le cas. Ouais. Mais n'empêche, Yves Bertrand et quelques autres, aller quand même assez loin de la déstabilisation donc des adversaires politiques de Chirac. Ce dont nous parlons, on en a conscience, c'est quand même d'accro au principe de la démocratie. Est-ce qu'il existe ce genre de police ailleurs, dans les autres démocraties, chez nos voisins, dans la démocratie occidentale ou ailleurs? Les renseignements généraux, c'était un service, parce qu'il n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un service très français. Qui n'existait pas sous la même configuration dans les autres pays démocratiques. Alors évidemment, on dit police politique, la Stasi, l'Allemagne de l'Est. Évidemment, on n'en était pas là. Le but du jeu, c'était pas d'emprisonner sans jugement les opposants. On n'était pas dans une dictature, mais on était quand même dans un système de police politique au sens où c'était des policiers. Les renseignements généraux sont des agents de renseignement de la police qui travaillent pour le pouvoir en place. Donc quand le pouvoir en place c'est de droite, et ben ils travaillent pour la droite. Quand c'est le pouvoir en place et de gauche, ils travaillent pour la gauche. Et à chaque fois, ils ne travaillent pas. Ils travaillent pour le pouvoir, plus pour le pouvoir que pour l'État, on va dire. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce ne sont pas des fonctionnaires impartiaux. Alors moi, j'ai du mal à comprendre le double jeu finalement que pouvait jouer Bertrand avec vous, Nicolas Beau, et avec d'autres, quand il donnait des informations. Les informations qu'il donnait, c'était toujours pour que ça aille au bénéfice de celui qu'il protégeait, c'est ça ? Oui, Jacques Chirac, notamment à partir des années 1998-2000, où il était malgré... Au même moment, il était resté sous la gauche, avec le gouvernement Jospin et Chevènement au ministère de l'Intérieur, il était resté... le grand patron des renseignements généraux, et c'est même là où il a eu son bâton de maréchal, car Chevènement l'a nommé même directeur adjoint de la police nationale. Donc, à la fois, il a eu un espèce de sacre avec Chevènement, et en même temps, dans les coulisses, il aidait Jacques Chirac. Bah oui, parce qu'il faut juste voir une chose, c'est que quand Yves Bertrand donne des informations à Nicolas Beau qui prépare un livre sur Charles Pasqua, ce sont toujours des informations négatives contre Charles Pasqua, ouais. Pour faire baisser Charles Pasqua dans les sondages, en fait, et pour manipuler l'opinion contre Charles Pasqua, donc au bénéfice de Jacques Chirac. Parce qu'une de ses grandes forces, c'est d'avoir compris que le rôle de la presse. Il a été vraiment assez précurseur avec ce à quoi on assiste maintenant sur les réseaux sociaux, etc. Toutes ces campagnes de dénigrement... et ces rumeurs qui à base de fake news, ouais. Voilà. Notamment. Et lui donc, il avait compris, donc il avait des relais à peu près dans tous les journaux, bon, plus ou moins conciliants. Je veux dire, moi, souvent, il me confiait des choses qui étaient totalement ahurissantes et dont je ne faisais rien. Il n'était pas content d'ailleurs. Moi, convoqué, il me dit, ça va pas, pourquoi vous avez rien fait avec ça, etc. Et vous lui disiez, mais moi, je suis journaliste, ouais, je suis indépendant. Voilà. C'est ce que je veux. Au moment de la terrible explosion à Toulouse, là, AZF, il voulait à tout prix que ça soit qualifié d'acte terroriste. Il voulait absolument pas que ça soit un accident industriel. Et il voulait donc que le dossier remonte à Paris bon, ce qui n'a pas été le cas finalement. Et bon, on a appris plus tard qu'il avait des liens extrêmement étroits avec la direction de Total et qui avait aussi, elle, intérêt à montrer que c'était un acte terroriste. Pas un accident, bien sûr. Alors, on pourrait faire, mais on la fera pas justement. Il faut expliquer pourquoi. Une comparaison avec Edgar Hoover, par exemple, aux États-Unis, il a été à la tête du FBI, c'est pas l'IRG, mais enfin, c'était aussi du renseignement. Lui, il n'a pas toujours été en soutien des présidents en place, hein, notamment contre Kennedy. Il était en soutien d'une idéologie paranoïaque, tellement peur des communistes et des rouges. Donc là, c'est un autre cas de figure, Edgar Hoover, finalement. Ne faisons pas la comparaison. Non, on peut pas faire tout à fait la comparaison, parce que ça, Edgar Hoover, c'est finalement... Au service d'une idée, plus que de président. Et de son idée à lui, oui. Voilà. Alors que les renseignements généraux, en tout cas sous Yves Bertrand, lorsque c'était Yves Bertrand le directeur de ça, non, lui, il travaillait pour le pouvoir. Pourquoi il travaillait pour le pouvoir? C'est pas tellement qu'il était pour les questions idéologiques, c'est pour les questions de rester en poste, en fait. Qui nomme le directeur des renseignements généraux? Quelque part, c'est le président de la République. C'est le ministre de l'Intérieur, mais donc c'est le président de la République. Et donc, il faut qu'il soit bien avec le président de la République, le pouvoir en place, pour rester longtemps. Et c'est comme ça qu'il est resté pendant 12 ans à la tête du service. C'est un record inégalé. Ce qu'on appelle donc les renseignements territoriaux, aujourd'hui. Donc, leur mission, leur méthode, est-ce que c'est très différent des renseignements généraux, pour que ce soit très clair, Nicolas Beau? C'est ce qui reste des renseignements généraux, c'est quelques centaines de fonctionnaires, bon, qui sont toujours dans des postes justement territoriaux, en région, auprès des préfets, et qui ont hérité un peu de la mission qui était quand même la mission centrale des renseignements généraux, parce que ce à quoi s'occupait Yves Bertrand, c'était quand même des dérives. Le cœur des missions officielles des renseignements généraux, c'était d'étudier la société, les mouvements sociaux, d'être à l'écoute du pays pour renseigner le pouvoir, pour le meilleur. Par exemple, jusque-là, ça va. Une grève quelque part, bon, ben, les gens des renseignements généraux connaissaient les syndicalistes, allaient les voir, essayaient de voir si, quand ils voulaient faire un meeting dans une salle, on discutait. Bon, c'était des relais vers les forces vives, vers la société civile. Pour le mieux, on va dire. Mmh. C'était un lancement territorial, il s'essaie avec très peu de moyens. C'est un service complètement déclassé aujourd'hui. Parce qu'à l'époque des renseignements généraux, ils avaient l'oreille des préfets, des ministres, donc les autres étaient un peu jaloux, etc. Ils n'avaient pas de compte à rendre. Alors maintenant, évidemment, les autres services se vengent. Donc ils sont totalement marginalisés. Et par exemple, à l'évidence, bon, le mouvement des Gilets jaunes, mais qui a vu arriver le mouvement des Gilets jaunes? Pas grand monde, mais alors certainement pas eux. Alors on a obtenu la première synthèse fin octobre, il y a un an, quand première manifestation des Gilets jaunes, ils ont produit, on leur a dit, bah alors c'est quoi ces Gilets jaunes? Alors ils ont fait une espèce de fiche faite beaucoup à partir des réseaux sociaux, d'ailleurs, uniquement pour dire que c'était des gens qui aimaient trop la voiture. Bon. C'était pour ça qu'ils manifestent. Donc oui, effectivement c'est... Donc effectivement c'est un service qui n'a aujourd'hui plus grande utilité sociale. Olivier Tosser, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste pour résumer, le renseignement territorial, les RT, c'est les RG, mais sans aucune considération, sans aucun moyen, ils ne font pas partie du premier cercle des services de renseignement français, donc on les tient pas tellement au courant et on ne tient pas tellement compte de ce qu'ils, les notes qu'ils produisent. Voilà, c'est les RG bas de gamme, low cost. Low cost. Et au moment où il y a cette menace djihadiste omniprésente, c'est peut-être effectivement un déficit parce que dans la période antérieure, ils avaient quand même l'ancien genre un mérite, c'est qu'ils se sont intéressés à l'islam de terrain. Ils fréquentaient les mosquées, ils allaient voir les imams, ils interrogeaient. Il y avait quand même là tous les circuits qui fonctionnaient et qui aujourd'hui n'existent plus. Renseignement qui serait précis aujourd'hui. Et la DGSI, bon, où il y a des grands spécialistes effectivement du renseignement, mais ils sont en forteresse. Et ils ne consentent pas à faire du terrain. Et là, il y a un vrai sujet qui parfois est évoqué par les par les politiques. Mais à juste titre, mais d'ailleurs. Nous, nous, dans le livre, on regrette trop peu, parce que c'est quand même c'est un vrai sujet. Nicolas Beau, Olivier Tosser, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Dans l'œil d'Hergé. En sous-titre, ça va donner envie aux auditeurs de le lire. Coluche, Lionel Jospin, Rachida Dati, les Gilets jaunes, tous ennemis de l'État, évidemment, c'est en forme de question. Et c'est ce qui peut ressortir de la mentalité de service qui serait totalement paranoïaque. Merci messieurs, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, nos services spéciaux, voire très spéciaux. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission livre. Référence par exemple, et merci à Clément Huy qui était à la technique aujourd'hui.